Tornade de Camille Coller. 33e épisode. Une question de timing. Alors avec Brigitte, on s'entend super bien. Brigitte, c'est la mère de mes gosses. C'est ma femme. Je l'aime. Bon, cela dit, des fois, la vie de couple, c'est pas simple, surtout avec 4 gamins. C'est vrai, ça peut nous arriver d'avoir des petits différends, mais honnêtement, rien de fondamental. Il suffit de discuter. De toute façon, dans la vie, il faut discuter. Par contre, c'est vrai que le mieux, c'est de trouver le bon moment. Un moment où on est disponible, quoi. Ça s'appelle le timing. Et la vie de couple, c'est un peu ça. Avoir le sens du timing. Oh, bah qu'est-ce que tu fais, ma puce? Tu rêvasses? Pas du tout, je fais mon bilan de milieu de vie. Pardon? Ah, mais t'as eu l'heure? Bah, je vais avoir 40 ans. Oui, enfin, ça va, dans 2 ans. Peut-être qu'à 23h30, il n'y a pas urgence à tirer des conclusions définitives, là, tout de suite. Si, justement, il n'y a pas d'heure pour ça. Regarde, tu vois quoi, là? Je sais pas. Des cheveux? Des cheveux blancs, Paul. Et il y en a précisément 4. Bah, 4, ça va, c'est pas la mort. On a le temps de voir venir. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Mais toi, c'est pas pareil. Ça fait un moment que t'es poivre et sel, mais moi, non. Ah, merci. Je sais pas comment je dois le prendre. C'est pas méchant. Chez les hommes, c'est plutôt sexy. On sent le type plus mûr, tu vois, plus sûr de lui. Tandis que pour les femmes, c'est moins une évidence. Hein. Qui dit femme mûre dit plus poitrine qui tombe, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas obligé de répondre, là. Parce que vu qu'il est un peu tard, on va peut-être pas se lancer dans une conversation foireuse, là, maintenant. Tu veux pas qu'on aille se coucher plus tôt, hein? Qu'on discute de ton bilan de milieu de vie sous la couette? Non, c'est hyper important. Et d'ailleurs, je trouve ça important d'en discuter avec toi. À ton avis, de quoi je peux avoir envie avant d'avoir 40 ans? Un super mixeur comme Marie-Lorraine? Non mais t'es con quoi, Paul? Oh mais ça va, je plaisante. Dis donc, oh, t'as pas trop d'humour ce soir là, hein? Ben je sais pas, moi, écoute, je sens comme la question piège, là, après une journée de merde au boulot. Je suis pas certain que ce soit le super timing pour une grande remise en question de ta vie, si? Bon, allez, Paul, arrête de tourner autour du pot. Ça m'intéresse de savoir ce que tu penses qu'une femme, et en l'occurrence la tienne, peut souhaiter à l'approche de ses 40 ans. Non, mais là, je suis un peu crevé, là. C'est un peu paralysant comme question. Non, mais vas-y. Ah, si, je sais. Sophie, au boulot, elle m'en a parlé. Sur les envies des nanas à l'approche de la quarantaine. Ah bon? Tu discutes vie de couple avec une fille du boulot? Boum. Ah ben, tant mieux. Bon, passons. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette Sophie? Un petit cinquième, c'est ça? T'angoisses de plus avoir d'enfants, alors tu te poses la question d'un petit dernier? Il paraît que c'est hyper fréquent avant d'avoir 40 ans. Quoi, mais t'es sérieux, là? Un cinquième enfant? Une autre grossesse? Un autre accouchement? Non, mais tu rigoles? Non, enfin non, oui, enfin non, mais je sais pas, j'ai dit une connerie, ça a l'air t'énerver. Je suis atterrée, Paul Tornade. Alors là, tu penses sérieusement que ce qui me manque dans la vie, c'est un cinquième enfant? Tu penses que je me sens désœuvrée, que ça me manque de plus changer de couche? Non, mais pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, peut-être que tu comptes t'impliquer un peu plus pour le cinquième. Ah d'accord, là, depuis 10 ans, t'es en phase de rodage. Oh là là, bon, visiblement, c'était pas la bonne réponse. En même temps, j'ai rien dit de vexant, hein. C'était plus... Je voulais participer au débat, mais vu l'heure, on va peut-être remettre ça demain, non? Mais non, justement, parce que tu vois, le problème, il est là. Tu viens de mettre le doigt dessus. Eh ben, au moins, on progresse. Donc, je suis content de pouvoir t'aider, comme ça, on va pouvoir régler ce qui te tracasse et aller se coucher. Donc, vas-y, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'au fond, tu me connais pas, Paul. Bon, enfin, quand même, c'est un petit peu radical, là, Brigitte. Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui te connaît, ici, excuse-moi, ça fait juste 12 ans qu'on est ensemble, on a 4 gosses, et avec ça, je te connais pas un peu. Ou alors si tu fais 4 gosses avec un inconnu, là c'est grave, hein. Moi je voudrais pas ouvrir le débat à presque minuit, mais bon... Mais si, ouvrons le débat, parce que c'est exactement ça, tu ne m'envisages que comme une mère, hein. Pour toi mes désirs, c'est forcément des désirs d'enfant. Ah non, j'ai pas du tout dit ça, c'est toi qui me parles de grandes décisions avant la quarantaine, j'ai dit ça comme ça parce que je suis crevé, voilà. Mais d'accord, c'est con, c'est... Bon alors, c'est quoi tes grandes décisions? Bah je sais pas, redevenir une femme, pas être juste une mère de famille, tu vois. Perdre 10 kilos, reprendre le sport, évoluer au boulot, ce genre de truc. Ah ok. Un petit peu comme pour tes 35 ans, en fait. Ouais, d'accord. Ce genre de grande décision-là. Brigitte, c'est une impulsive. Des fois, elle arrive comme une furie, elle annonce une révolution, genre, ça peut plus continuer comme ça, on est dans une impasse. Bon, alors, au début, je me disais, c'est pas possible. Elle va m'annoncer qu'elle me quitte, qu'elle a un autre mec, ou un truc horrible, et en fait, elle est juste en train de décider de virer des affaires trop petites pour les gosses. Donc, quand elle est en phase un peu speed, moi, j'ai appris à prendre du recul. Ça dit, c'est vrai qu'en ce moment, elle a un petit coup au moral, rapport à ses 4 cheveux blancs. Donc je lui ai organisé un week-end cool. Massage, resto, ciné et les gosses chez les grands-parents. Un dimanche matin pour souffler peinard et se retrouver tous les deux. Une vie de couple épanouie, c'est une question de timing. Oh merde, j'ai oublié de débrancher le réveil. Non, pas du tout. C'est moi qui l'avais mis. Allez, hop, Paul, il est 7h30. Debout, aïe. Dépêche-toi. Oh, mais tu plaisantes ou quoi, là? Attends, on est dimanche matin, on n'a pas les mômes. Allez, viens te recoucher, ma puce, viens. Oh non, non, non, bah justement, on n'a pas les enfants, il faut pas rater l'occasion. Allez, zou, on file chez Ikea. Chez Ikea? Mais qu'est-ce qu'on va foutre chez Ikea, là? T'as vu l'heure qu'il est? Oh, allez, Paul, fais pas ton gros mou. On n'a jamais le temps de rien avec les gamins, faut profiter. Oui, bah justement, moi je profiterais bien de ma femme sous la couette. Ah, mais allez, non, non, c'est pas le moment, là. Hein. On a une journée entière devant nous pour repenser tous les rangements des chambres. Ah. Si on fait Ikea ce matin, on peut monter tous les meubles cet après-midi. C'est maintenant ou jamais. Mais c'est pas possible, hein. T'as pas le sens du timing, mon pauvre. Hein. C'était La vie trépidante de Brigitte Tornade, de Camille Coller, avec Éléonore Jonquet, Yannick Choira, Anna et Samuel Cajman, et la voix de Pierre Carbonnier. Bruitage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage Pierre Mine et Jean du Cimetière. Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum. Réalisation Cédric Cossier.